Vous aimez l'histoire? Vous voulez transmettre cette passion à vos enfants, à vos petits-enfants? Alors entrez dans la bibliothèque à remonter le temps. La nouvelle collection que vous attendiez. Les plus grands historiens, des ouvrages clairs, courts, illustrés, qui racontent notre passé pour donner sens à aujourd'hui et à demain. La bibliothèque a remonté le temps, l'histoire pour tous, aux éditions du Cerf. Premier tome paru, le néolithique, les vikings, les dieux égyptiens, de Gaulle. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Colonisation de l'Indochine, la France à la conquête, de nouveaux marchés, la Cochinchine au sud, la Nam dans la partie centrale, le Tonkin au nord, mais sans oublier le Laos et le Cambodge, voici l'Indochine française. Les missionnaires sont déjà présents depuis longtemps quand débute la colonisation, en 1858, sous le Second Empire. Mais quand Napoléon III est renversé, en 1870, la République poursuit la colonisation, l'accélère même avec la figure de Jules Ferry, surnommé le Tonkinois, peu importe l'origine politique quand il s'agit de lorgner sur les richesses du bout du monde. Voici l'Indochine, gonflée de ses deux deltas, carrefour des peuples jaunes, aujourd'hui imprégné de civilisation française. La variété de ces paysages masque des oppositions brutales de relief et de climat. Un pays à peine unifié, des régions à peine pénétrées, tel le pays mort. Un Laos lointain, des routes insuffisantes. Se préparer à la tâche de demain. Pas de chemin de fer. L'outillage des ports encore rudimentaire. Dans le domaine colonial, nous ne devons rien laisser à l'improvisation. Il faut se préparer méthodiquement à la tâche de demain. Bonjour Delphine Boissary. Bonjour Xavier Mauduit. C'est difficile la notion de colonisation, on ne décrète pas un moment précis la colonisation, il y a une présence avant même que des troupes s'installent. Dans le cas de la France qui regarde vers l'Indochine, à partir de quel moment on voit vraiment s'installer des Français sous forme d'organisation militaire? Alors en réalité, dès le début du 19e siècle, puisque on a l'empereur, Jialong avant d'être empereur, qui a besoin de reconquérir une partie de son territoire, de remonter vers le nord. Et il trouve providentiellement l'appui d'officiers français qui, pour des raisons diverses, ont fui la Révolution française, se retrouvent un peu désœuvrés dans l'océan Indien et finissent par atteindre donc cette région à l'appel de Pigneux de Béhen, qui fait partie des missionnaires, qui est évêque d'Adran et qui est présent aussi dans cet espace sud-est asiatique. Donc on a quatre officiers, je crois, si ma mémoire est bonne, qui vont construire une forteresse à la Vauban, à Saïgon, donc au sud du Vietnam actuel. Et ces officiers ensuite vont rester à la cour de l'empereur une fois que la reconquête sera effective. Voilà, on a un empereur en France, vu qu'on est au tout début du 19e siècle, c'est Napoléon Ier, mais on a un empereur en Indochine, qui arrive à s'installer grâce à des officiers français et puis avec l'aide d'un missionnaire français. Bonjour Jean-François Klein. Bonjour, ravi d'être avec vous. Et ravi également que vous soyez avec nous aujourd'hui. Jean-François Klein, vous êtes professeur en histoire maritime contemporaine à l'Université Bretagne Sud. C'est intéressant Désolé, j'ai changé, je suis à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-de-Quidan. Vous êtes à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-de-Quidan, félicitations à vous. Ces militaires qui s'installent en Indochine au début du 19e siècle, c'est pas vraiment de la colonisation, mais ça assoit malgré tout la présence française ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Delphine Boissary. Il y a à peu près 25 officiers français qui sont recrutés par Pigneux de Béhen, qui vont former une armée nationale vietnamienne extrêmement efficace, qui va l'emporter contre les frères Taishan, qui étaient leurs ennemis, qui avaient failli éliminer la famille Nguyen. Et ils vont construire aussi tout un tas de citadelles à la Vauban, qui vont marquer la progression militaire de l'armée vietnamienne, créer une marine de guerre vietnamienne moderne sur le modèle d'une flotte européenne, à tel point que ça effraie les Anglais au début du 19e siècle, parce qu'ils pourraient couper la route maritime qui va de Singapour au port de Canton. Avec de la géographie, tout de suite, à rappeler. Ici, Delphine Boissary, ce qui intéresse particulièrement les Français, c'est le sud, c'est ce qu'on appelle la Cochinchine. C'est plus par là qu'ils arrivent et qu'ils s'installent? Alors oui et non, puisque un peu plus tard, C'est la cour de Huée, en fait, ce qui les intéresse, qui est leur premier client et premier contact sur le territoire vietnamien. Huée, c'est au centre du Vietnam. C'est là qu'on a la citadelle impériale vietnamienne. Et si on veut avoir accès aux produits de l'empire vietnamien, on pense au sucre, on pense à des épices, à des textiles, eh bien, c'est par la cour qu'on pourra avoir accès à ces produits. Donc, en fait, quand les Français cherchent à prendre possession de ce territoire, c'est pas à Saïgon qu'ils débarquent en premier. C'est au centre du Vietnam, c'est autour de ce qui est aujourd'hui le port de Da Nang, donc beaucoup plus au nord que Saïgon. Et donc, c'est plus à la suite d'une déception, d'une difficulté à conquérir l'empire par Da Nang que finalement les Français prennent possession de Saïgon en 1859. Voilà, Saïgon qui est au sud. Hein, au sud. C'est la Cochinchine. Jean-François Klein, ce qui est en ligne de mire dans cette histoire-là, nous parlons des Français, mais nous pourrions parler de nombreux autres pays européens. C'est le mirage chinois, c'est cette idée que la Chine, c'est formidable pour écouler toutes les marchandises européennes. Oui, absolument. Alors, y a un rêve chinois. Alors, quand les Français arrivent à Da Nang en 1858, il y a eu simplement 33 ans entre le moment où le dernier Français a quitté Da Nang, Touran, et les troupes françaises qui y débarquent. La raison pour laquelle les Français s'installent sous le Second Empire, mais ça a déjà été mis en place, une première tentative sous la monarchie de Juillet, sauf qu'entre-temps, il y a eu une révolution en 1848, donc ça a été ajourné. Mais l'idée, c'est effectivement, et c'est François Guizot, sous la monarchie de Juillet, qui l'avait lancé, mettre en place toute une série de points d'appui pour aller à la conquête du marché chinois qui a été ouvert par les Britanniques à coups de canon dans le cadre de la première guerre de l'opium, 1839-1842, avec la mise en place des premiers traités inégaux, le traité de Wangxia, de Nankin en 1842. Les Américains suivent en 1843 à Wangxia et les Français envoient la première mission diplomatique française dont on fête l'anniversaire cette année, puisque c'est 1844, et c'est la mission Lagrenet qui va ouvrir les relations françaises franco-chinoises. Le but, effectivement, c'est ça. Alors, dans un premier temps, on pense pouvoir y accéder par les ports, mais pour toute une série de raisons qui fait suite même à la deuxième guerre de l'opium qui s'achève en 1856-1860, les Français, comme les Anglais, ne peuvent pas accéder au centre et au sud de la Chine. Donc ils vont essayer de drainer les richesses de la Chine du Sud en passant par les rivières, les grands fleuves de la péninsule indochinoise, l'Irrawaddy et la Saoulen pour la Birmanie anglo-britannique, par ailleurs les Français, d'abord par le Mekong, on en reparlera, et bien évidemment après par le fleuve Rouge au nord dans ce qu'on appelle le Tonkin. Oui, puis vous disiez que c'était pour vendre des produits européens, mais en réalité les produits européens intéressent peu les Chinois. C'est bien pour ça qu'il y a eu les guerres de l'opium, c'est que finalement on leur a vendu, les Britanniques ont commencé à leur vendre de l'opium pour rétablir la balance commerciale qui était déficitaire avec la Chine. Opium qui était donc une drogue interdite et que les Chinois ont voulu refuser et qui finalement a débouché sur cette guerre de l'opium. Donc ce qui intéresse les Européens, c'est plutôt d'avoir accès aux produits parce que des clients sur place, il n'y en a pas beaucoup en fait pour les produits industriels européens. C'est une élite urbaine ou alors ça sera dans le cadre de la colonisation, les États coloniaux eux-mêmes qui achèteront l'acier pour construire ensuite les infrastructures coloniales, etc. La balance commerciale est plutôt défavorable aux Européens. Voilà. Oui, parce que les Européens, je pense aux Britanniques, qui ont envie de vendre leur couverture en laine bien épaisse dans ces pays tropicaux, ils ne doivent pas trouver un grand marché. Donc l'idée, Delphine Boissary, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est pour équilibrer le commerce, que les Européens trouvent en Asie du Sud-Est des produits qu'ils vont pouvoir vendre en Chine, et ce qui va équilibrer le commerce de tout ce que eux achètent à la Chine. Alors oui, pour le commerce de l'opium, donc qui préexiste à la guerre de l'opium, c'est de l'opium qui est cultivé, enfin de l'opium, issu de champs de pavot qui sont indiens. Les marques d'opium, les Britanniques vont rationaliser cette production. Il y a du Patna, du Benares, ça vient donc d'Inde, et c'est donc un marché d'océan Indien vers la mer de Chine qui s'organise. Jean-François Klein. Oui, effectivement, le commerce qu'on appelait le commerce d'Inde en Inde, qui permettait d'équilibrer ces balances commerciales, existe déjà depuis le XVIIe siècle avec les grandes compagnies à Chartres, notamment la compagnie des Indes orientales qui partait de l'Orient pour la France. Et on va chercher des produits en Asie pour compenser. Finalement, c'est exactement la même chose qui se passe encore aujourd'hui. Les Chinois achètent finalement relativement peu de produits occidentaux. Et on a toujours ce mirage incroyable de « on va faire fortune en Asie ». Je vous rappelle que Yves Saint-Laurent, dans les années 1960, disait « si je vends un bouton à un franc à un Chinois, je suis milliardaire ». Mais c'est ce rêve-là qui, depuis Marco Polo, fait marcher l'Occident, mais qui en réalité est une illusion totale. La Chine tourne autour de ses produits asiatiques, mais grosso modo, elle achète peu. Par contre, elle prend et elle vend énormément. Et bien évidemment, il y a des problèmes de balance commerciale. Avec et l'opium est un compensateur commercial, évidemment. Et puis les Britanniques aussi, il faut rappeler qu'ils sont déjà en Inde, on le dit bien, et que les Français ne sont pas encore officiellement dans la région, alors que les Britanniques sont déjà implantés en Inde. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi cette année 1858 fait que des Français décident de coloniser une partie de l'Asie du Sud-Est, et en l'occurrence, c'est la Cochinchine, c'est le sud de l'Indochine. Denfield Boissary, pourquoi à ce moment-là, il y a besoin de s'installer sur place? Alors, ça correspond à un moment politique d'éclaircie politique côté français, parce que comme le disait Jean-François Klein tout à l'heure, les projets, ils existent dès les années 1830, avec François Guizot, la politique des points d'appui, on lorgne sur cette Asie orientale, on a la Réunion dans l'océan Indien, enfin, l'île Bourbon, et donc il faut se projeter un petit peu plus loin. C'est plutôt les vicissitudes politiques de la France qui mettent un frein à cette politique. Faut savoir que notre flotte après Napoléon, bon, voilà, à Trafalgar, c'était pas top. Voilà, donc à reconstituer. Et donc on est en retard. On arrive un petit peu en retard par rapport aux Britanniques, mais avec des ambitions bien marquées puisque c'est notre principal rival en Europe. Il faut quand même pas laisser passer l'Asie. On essaie de s'acoquiner avec les Espagnols puisque pour Napoléon III, sa femme est d'origine espagnole. Eugénie de Montijo. Et donc la première expédition en 1858, l'expédition de 1858-1859, elle est franco-espagnole en réalité. Et elle est à inscrire dans le sillage des guerres de l'opium dont parlait Jean-François Klein, puisqu'il s'agit de se partager le gâteau chinois, de participer à ce qu'on appelle le break-up of China. Et la France, comme la Russie, comme les États-Unis, comme les principales puissances de l'époque, est intéressée par l'Asie. Une expédition française dans les années 1860, 1858, c'est le début, et puis ça continue les années suivantes, qui ne se passe pas si bien que ça. Palu de la Barrière écrivait « Le centre de résistance était partout, subdivisé à l'infini. Il lui était plus juste de considérer chaque paysan qui liait une botte de riz comme un centre de résistance. Et cette tactique des guérillas mettait les troupes françaises à dure épreuve. Palu de la Barrière continuait. Il n'y a point de spectacle plus triste, plus monotone, plus fatigant que celui des Français par terre et par eau. L'un des adversaires, c'est-à-dire les Français, est continuellement en vue. L'autre, c'est-à-dire les partisans, se dissimule. À la persistance avec laquelle se dérobait l'ennemi, il semblait que nos coups frappaient dans le vide. Voilà une leçon dont on aurait bien fait de se souvenir par la suite. Petite remarque à la fin du journaliste, on est en 1973 et on vient d'entendre Nguyen Chak Vien, qui est un historien vietnamien et qui est le porte-propagande, on va dire, du régime communiste dans ces années 1970, qui disait « Le témoignage du lieutenant de vaisseau Palu de la Barrière, un Français qui disait combien ils avaient du mal à avancer. Le centre était partout, le centre de la résistance. » Jean-François Klein, elle est très difficile pour les Français, cette progression en Indochine. Dans un premier temps, l'arrivée même sur Tourane pose un problème. Là, Sunil Galoudek, qui travaille avec moi sur l'histoire du port de Da Nang, a montré que ça a été une impasse morbide absolument phénoménale, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que d'abord, et n'en déplaise à Nguyen Chak Vien, ce qui tue plus les Français, c'est pas tant les balles ou les baïonnettes ou les sabres que tous les virus, typhus, choléra, malaria, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Avec des taux de morbidité qui sont absolument effrayants avant les progrès de la médecine pasteurienne. Donc ça, c'est la première chose. Et on a quitté Tourane pour Saïgon, d'une part pour s'emparer d'un port qui était ouvert, enfin on pourra en parler si vous le souhaitez, mais aussi parce que finalement Tourane est une impasse. C'est une impasse stratégique, c'est aussi, on peut pas atteindre Hué, la capitale impériale, et finalement, il n'y a pas d'intérêt économique, et au point de vue sanitaire, c'est terrifiant. Donc, on s'installe en Cochinchine. Et effectivement, sur place, c'est pas évident. Et la conquête, ces troupes vont découvrir l'Asie et la guerre de jungle, etc. Alors, la reprise de Nguyen Khắc Vien, elle est intéressante, mais vous avez raison, c'est le porte-parole dans les années 70, en pleine guerre américaine du Vietnam, comment on fait la guérilla. Donc, je veux dire, il fait une transposition de ce que raconte Palu de la Barrière avec la guérilla du Viet Cong. C'est un peu osé, c'est un peu tiré par les cheveux, ça va quand même c'est un peu plus compliqué. Mais les Français, effectivement, peinent à progresser, mais petit à petit, ils marquent le terrain. Mais ce qui est important pour eux, c'est de prendre les différentes forteresses. Alors, l'amusant ou le phénomène un peu ambigu, c'est qu'ils sont obligés de prendre des forteresses à la Vauban, construites par leurs prédécesseurs français, 40 ans ou 50 ans plus tôt. C'est pas mal, ça. Ah bah oui, ça c'est quand même amusant. Et d'ailleurs, celle de Saïgon est rasée très peu de temps après la conquête. Hein. Absolument, oui. Ouais. Donc les Français finissent par raser ce qui a été construit par d'autres Français juste avant eux. Et face à eux, en fait, ce n'est pas tellement une guérilla. Enfin, tu me corrigeras, Jean-François, c'est l'armée de l'empereur vietnamien hein, qui réagit. Donc ce sont des maréchaux, tout de la guérilla. Intervention. Ouais. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est Nguyen Khắc Vien parle de, et ça c'est la doxa donc de l'État parti dans les années 70, c'est que toute la résistance a été populaire et que c'est un phénomène de guérilla permanente. En fait non, là c'est Delphine Boissary a parfaitement raison, c'est l'armée impériale qui intervient, qui mobilise toute la société contre l'intervention étrangère, et donc c'est un phénomène classique de guerre et de résistance militaire à une autre invasion militaire extérieure. Ça n'a rien d'une résistance populaire, même si bien évidemment les paysans participent, comme toujours dans les guerres vietnamiennes, au combat, puisque tout le monde est mobilisé. Quelle est l'ambition des Français? C'est de contrôler le Mékong déjà? Ils ont un plan, il y a une idée globalement de ce qu'ils veulent faire, Delphine Boissary? Oui, alors l'accès à la Chine dont on a parlé en tout début d'émission est un élément. Il s'agit aussi, alors au départ c'est plutôt de faire de Saïgon un hub, on dirait aujourd'hui, un carrefour commercial un peu à l'image de Singapour. Donc ils ont à la fois ces deux projets-là, faire de Saïgon un autre Singapour, un autre Hong Kong dans les circuits maritimes d'Asie du Sud-Est, donc de dérouter un peu sur Saïgon une partie du trafic, si c'est possible. Et puis l'autre projet, c'est de remonter le Mékong jusqu'à la Chine. Les regards des Français se tournent d'abord vers le Cambodge, vers certains arrière-pays saïgonais, d'abord pour nourrir le trafic de Saïgon, c'est une chose, mais aussi parce que l'espoir, c'est de remonter jusqu'au Yunnan et jusqu'aux richesses chinoises. Il y a plusieurs missions d'exploration à ce titre. D'abord, des expéditions d'exploration commerciale qui sont faites à titre quasiment privé avec l'accord des autorités françaises de Saïgon. Je pense par exemple à Andrew Spooner, qui est un franco-américain, qui va être un des premiers à aller jusqu'au Cambodge et essayer de remonter un petit peu, de nouer des contacts. Vous en avez d'autres. Vous avez Paul Le Faucheur, alors lui qui est un peu plus un aventurier sulfureux, qui est un ancien de la marine, qui a fini par démissionner parce qu'il était un peu accusé d'avoir détourné des choses. Enfin, bon, il y a quelqu'un de particulier. Et lui, il va devenir ami avec le roi du Cambodge. Donc, le fait à titre plutôt personnel. Et puis ensuite, des missions plus officielles. Doudard de Lagré, par exemple, qui a pour mission de vraiment dégager le chemin et de voir si le Mékong est navigable jusqu'à la Chine. Avec un premier temps, donc, qui est le contrôle de la Cochinchine, on va dire le sud, le contrôle le long du fleuve. Jean-François Klein, peu à peu, la présence française grandit avec, malgré tout, des statuts différents sur les territoires. Parce que Delphine Boissary vient de parler de ce royaume du Cambodge, qui n'est pas la même chose que cet empire vietnamien. Il y avait déjà des constructions, des entités territoriales. Comment ça se passe, là, du point de vue français? On conserve les souverains sur place? Il y a une imagination différente de la colonisation, selon les territoires? Oui, de toute façon, comme dans tous les empires, on a des millefeuilles administratifs très différents les uns des autres. Il y a aussi une espèce de réel politique qui fait qu'on s'adapte ou pas et on garde tel ou tel souverain parce que c'est utile ou pas et on l'élimine s'il l'est pas ou on réduit son pouvoir. Dans le cas de la Cochinchine, le plan de conquête était pensé dès 1857 avec une commission de Cochinchine mandatée par l'empereur. On vient de sortir un livre sur la France et l'Asie sous le Second Empire chez Hémisphère Éditions. Ça s'appelle Rencontre impériale. Là, on parle de tout, vous verrez. Vous avez ensuite la Cochinchine est prise en deux étapes, 1862, premier traité avec la cour de Huée qui en fait déjà une colonie française. Ce qui est important dans ce moment-là, c'est qu'en 1862, lors du traité de Saïgon, les Français récupèrent les droits historiques qu'y avait le Vietnam sur une partie du Laos et du Cambodge. Et ça expliquera toute la conquête ensuite par la suite, parce que ces entités politiques, géopolitiques, ces états monarchiques existaient tous en péninsule indochinoise. Hein, et donc finalement, on les a conservés, mais on en a modifié les tracés frontaliers. En 1867, toute la Cochinchine est conquise de façon à ce qu'il n'y ait pas deux fronts droite-gauche contre les Français. Et on prend le contrôle total du delta du Mékong et on commence à exporter et développer l'économie tout de suite et notamment l'exportation rizicole, notamment à destination de la Chine, contre des produits chinois. Et c'est une colonie française, c'est-à-dire qu'elle est détachée de l'empire du Dai Nam, qui est le nom officiel du Vietnam, que les Français appellent Annam, enfin c'est un peu compliqué, mais le vrai nom officiel, et jusqu'en 1945, ça serait Dai Nam. Et donc, il y a trois grandes provinces vietnamiennes, la Cochinchine, au centre, l'Annam, et au nord, le Tonkin. Les Français s'emparent de la Cochinchine, détachent la Cochinchine de l'Empire vietnamien, et c'est sous administration directe, c'est une colonie française. Mais grâce au droit du traité de Saïgon de 1862, les Français estiment légitime d'avoir des droits sur la cour de Hudong au Cambodge, qu'ils vont ensuite transférer à Phnom Penh, plus près de Saïgon, et on est déjà dans un impérialisme indochinois. Par contre, le Cambodge reste un protectorat de façon à conserver une monarchie cambodgienne qui est plutôt favorable, entre guillemets, parce que le traité de protectorat, c'est quand même fait par Doudard de Lagrée, pistolet sur la table, pour faire en sorte que les Français fassent barrière à un autre royaume extrêmement puissant à cette époque-là, qui est le Siam, l'actuelle Thaïlande. Et puis de là, avec ce système-là, les Français ensuite vont conquérir progressivement l'Annam et le Tonkin 1883-84, qui deviennent des protectorats français. D'abord, on parle d'un protectorat de l'Annam-Tonkin, c'est-à-dire le Dai Nam, tout au moins ce qu'il en reste, capitale officielle Hue. Mais dès 1887, on crée l'Union Indochinoise, qui est une fédération pour rassembler tout ce machin, parce que les colonies dépendent du ministère de la Marine et des Colonies, et les protectorats des affaires étrangères. Donc c'est un micmac administratif très compliqué à gérer. Et finalement, on crée une entité administrative, une union indochinoise, qui regroupe tout ça sous la direction d'un gouverneur général installé à Hanoï, dont les pouvoirs seront élargis jusqu'à Pol Pot, c'est-à-dire jusqu'en 1904 à peu près. Plus tard, on prendra le Cambodge, le Laos. Voilà, j'allais vous poser la question du Laos, oui. Alors, et le Laos s'est pris progressivement, d'abord avec un traité de protectorat sur le royaume de Luang Prabang, au nord de l'actuel Laos, qui était le Laos en tant qu'entité administrative. Enfin, qu'État n'existait plus depuis bien longtemps. Depuis 1794, le sud du Laos, Champasak, faisait partie de l'Empire siamois. Le centre, Vientiane, avait été pris par les Siamois en 1828 à l'aide d'un général français qui travaillait pour l'armée siamoise qui s'appelait Bonin. Enfin, le royaume de Luang Prabang était encore le seul territoire qui était encore indépendant. Et les Siamois voulaient étendre un empire siamois dans toutes les contrées siamophones, thaïophones. Donc, s'emparer de Luang Prabang, mais aussi d'autres territoires qui font partie aujourd'hui du Vietnam, mais qui étaient ce qu'on appelle les 12 principautés thaïs, donc dans la haute région tonkinoise aujourd'hui, actuelle, enfin Nord-Vietnam, Nord-Ouest, et qui étaient thaïophones, thaï noirs, thaï blancs. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous voyageons dans l'Indochine, colonie française. L'Indochine française a une superficie de 740 000 km², soit une fois et demie la France. C'est un pays sans unité. La variété de ses paysages masque des oppositions brutales, de relief et de climat. Les montagnes occupent les deux tiers de l'Indochine. Elles sont abruptes, massives, humides et malsaines. Le contraste est brutal entre elle et les plaines, à la fois très basses et très plates. Le climat est lui aussi très simple. C'est un climat tropical de mousson. Climat tropical, c'est-à-dire chaud et humide, avec alternance d'une saison sèche et d'une saison humide. Le paysage traduit fidèlement cette alternance. Nous avons ainsi pu dégager une double opposition du pays indochinois. Opposition des plaines et des montagnes, d'une part. Opposition des plaines occidentales et des plaines orientales, d'autre part. Ces oppositions prennent toute leur valeur au point de vue humain. Présentation de l'Indochine, la géographie de l'Indochine par Jean Delvert, ethnographe, démographe, en 1947. Delphine Boissary, cette Indochine-là que l'on vient de présenter, tant du point de vue de la forme que prend la colonisation, en tout cas du découpage administratif et puis de cette géographie particulière, c'est un espace qui doit permettre de relier les Français à la Chine. Mais il n'y a pas que ça quand même en Indochine. C'est aussi un lieu pour commercer. Vous avez réalisé votre thèse sur la maison bordelaise Denis Frère, 1862-1954. Pourquoi 1862 pour commencer? On a déjà entendu cette date évoquée aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Oui, alors 1862, c'est la date de fondation de la maison Denis Frère, qui a en fait, comme beaucoup de maisons de françaises sont fondées à ce moment-là à Saïgon, parce qu'elles viennent dans les pas du corps expéditionnaire franco-espagnol. Il s'agit au départ, alors pour les frères Denis, qui sont les quatre fils d'un capitaine au long cours bordelais, d'explorer ce marché parce que leur père a fait faillite en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est plus le marché porteur des années 1860. On est à ce moment des guerres de l'opium, l'armée française est là, enfin bref, il y a des choses à faire. Et donc ces frères-là, ils sont envoyés avec un navire par leur père, et ils cherchent à devenir munitionnaires. En gros, le premier marché, c'est l'armée. Au départ, voilà, les richesses de l'Indochine, on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais les premiers Français s'intéressent en fait au cabotage régional, à essayer de connecter Saïgon à Hong Kong, aux Philippines, à Singapour, pour amener de quoi ravitailler les armées. Et puis, bon, quand même, l'idée, c'est d'avoir accès aux productions locales. Et donc, une fois que la colonisation est bien installée, dans les débuts, ces entrepreneurs français s'intéressent au riz, mais le riz, c'est complètement, c'est l'affaire des Chinois. Les Chinois dominent tout le commerce régional. En fait, il n'y a pas de place pour les Français. Et donc, au début, il va falloir s'immiscer dans ce trafic, essayer de convaincre tous ces réseaux de travailler avec les maisons de commerce françaises. Le riz, il a déjà ses clients, en fait, à l'échelle régionale. C'est du riz qui va en Chine, comme le disait Jean-François tout à l'heure, vers l'Indonésie, enfin les Indes néerlandaises, qui, à cause des cultures forcées, sont obligées d'importer du riz. Bref, c'est un riz qui a déjà ses clients. Et alors les Français vont essayer de se créer une clientèle en France, c'est-à-dire bon, puisqu'il y a du riz, on va l'exporter en France. Le premier chargement de riz exporté en France, c'est 1864, c'est les frères Denis qui l'exportent. Personne ne l'achète en France, parce qu'il y a le riz italien, il y a tout ce qu'il faut aussi au niveau régional en Europe. Donc ce riz, personne n'en veut. Pour avoir accès au riz indochinois, il faut être en contact avec ce qu'on appelle les compradors chinois, c'est-à-dire ceux qui achètent le riz avant la récolte, donc on l'achète. Il faut avancer de l'argent parce que en gros on l'achète avant la récolte. Et ces compradors chinois, certains vont se dire tiens, bah oui, on va s'intéresser aux maisons de commerce européennes. Après tout, ça va nous créer un autre marché, peut-être un peu différent. Mais le riz qu'ils leur vendent, c'est du riz de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le riz qu'on donne aux Européens, c'est pas le meilleur. Il a beaucoup de brisures. C'est pas celui, en plus, le riz vietnamien, par rapport au riz birman ou par rapport au riz thaïlandais, il est de moins bonne qualité. C'est un riz, qu'on aura du mal à vendre aussi. Donc voilà, donc ça fait partie des richesses. Le riz, il est donc... C'est surtout le riz de Cochinchine qui va être exporté parce qu'au Tonkin, on a une population qui a besoin de consommer le riz. Donc le riz du Tonkin sera plus difficile à exporter. Les surplus vont venir de Cochinchine. Pour aller un peu plus loin dans la colonisation, dans les années 20, les Français ont réussi à se constituer un domaine rizicole. Il y a 250 000 hectares de rizières françaises. Ça représente 17%. De la surface rizicole. Et donc, c'est vraiment un travail de très longue haleine pour les Français de voilà, s'inscrire dans ce commerce du riz. Travail de longue haleine, parce que la colonisation française, qui commence sous le Second Empire, on a donné cette date, 1858, se poursuit après l'Empire. Jean-François Klein, la République proclamée en 1870, est héritière de cette politique-là, en tout cas en ce qui concerne cette région du monde. Ça se poursuit et ça s'accélère même. Absolument, mais alors ça c'est un phénomène intéressant. L'historiographie de la Troisième République a complètement gommé l'héritage impérial au sens propre, ce que j'appelle l'empire de l'empire, c'est-à-dire l'empire d'outre-mer du Second Empire, où en fait l'empire colonial a été multiplié par 5, mais tous azimuts. Donc c'est pas uniquement en Indochine, c'est aussi en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, etc. Hein, la conquête de la Kabylie se fait à ce moment-là. Et donc le Second Empire a joué un rôle de matrice impériale extrêmement important. Mais comme le régime de la Troisième République ne veut pas reconnaître le régime du sabre, il le minimise au maximum. Mais bien évidemment, ils vont enfourcher le cheval colonial du Second Empire, et ils vont faire progressivement chose-là. Même si pendant la période dite de l'ordre moral, vous savez, on dit oui, il y a un repli colonial, etc. En réalité, c'est faux. C'est vrai en France, mais sur le terrain, et en Indochine en particulier, les projets d'expansion coloniale continuent. On envoie Francis Garnier en 1873 s'emparer de Hanoï. Il va y mourir d'ailleurs sur place. Et donc les projets d'expansion coloniaux, ils continuent. Mais avec l'arrivée des républicains opportunistes au pouvoir, dès 1879 et la mise en place du grand cabinet Léon Gambetta, la politique coloniale devient un objectif de rassemblement républicain par les républicains autour de l'Empire. C'est un projet entre guillemets neutre qui permet de rassembler autour. Et dès l'arrivée au pouvoir de Ferry, alors là, on est vraiment traité du Bardo 1881, 1883-86, première guerre franco-malgache, et en même temps, 1882-83, expédition du Tonkin. Faut justifier cette colonisation, Jean-François Klein, et Napoléon III, pour trouver un prétexte pour son intervention en Cochinchine, avait dit « Ah, mais il y a des missionnaires persécutés ». Ça l'arrangeait bien, parce que en France, ça le faisait plutôt bien voir par les catholiques. Mais alors, quel va être l'argument utilisé par les républicains, et notamment Jules Ferry, pour coloniser le Tonkin ? Je crois que Claire Tan l'avait rappelé dans son émission. Sous la Troisième République, et notamment laïcarde et donc anticlérical, ça c'est vrai sur le territoire métropolitain, mais Gambetta aura cette fameuse phrase qui va durer une grosse partie de la période coloniale, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une association avec les missions. L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation dans les colonies. Ce qu'on retrouvera notamment avec Paul Bert, qui est quand même le chantre du laïcisme français, qui avait quand même porté un toast contre le phylloxéra noir, c'est-à-dire les curés, puisqu'il était d'Auxerre, c'était au moment du phylloxéra et donc problème sur la vigne, et Paul Vert est résident supérieur de la Nam Tonkin. Mais il sera intimement lié à Monseigneur Puginier des missions étrangères de Paris, parce qu'ils ont des intérêts communs. Et comme l'a montré mon directeur de thèse, le professeur Claude Prudhomme, le lien entre colonisation et mission, c'est un lien extrêmement ambigu. Parfois ils sont associés, parfois ils ne le sont pas. Donc c'est pas la question religieuse, la Troisième République. En revanche, c'est ce qu'on appelle globalement la mission civilisatrice qui sert de vecteur. Mais dans la réalité, comme sous le Second Empire, ce sont des réalités géopolitiques et économiques qui vont de pair et qui sont ils sont associés. Dans l'histoire coloniale, pendant longtemps, on a distingué d'un côté, je dirais, une école marxiste qui disait c'est pour des raisons économiques, et une école plus à droite, qui disait c'est pour des raisons géopolitiques, faire flotter le drapeau. En réalité, c'est les deux. Faut jamais oublier que les grands bourgeois du 19e siècle, ils sont à la fois patriotes et ils font très attention à leur bourse, évidemment. Delphine Brossard. J'allais dire, il y a même trois choses. On parle des trois C, christianisme, commerce, civilisation. Qui est quelque chose que les Anglais utilisent aussi, alors avec des G, Gold, un acronyme un peu différent. Le christianisme, c'est le prétexte de départ. Le commerce, c'est la raison, on va dire, principale. Et la civilisation, elle vient justifier a posteriori, souvent, une colonisation qu'on veut parer moralement d'un sens. Donc ça vient un petit peu peut-être dans cet ordre-là, un prétexte, une raison. Le commerce, on y associerait, je suis d'accord avec toi Jean-François, les arguments géopolitiques, bien sûr, c'est la course entre les grandes puissances pour avoir accès à ces territoires, à ces ressources. Et puis le dernier, on justifie. On justifie, la mission civilisatrice c'est formidable, mais à la Chambre des députés, face à Jules Ferry qui soutient cette mission civilisatrice, il y a Clémenceau. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent, et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propre terme, la thèse de M. Jules Ferry. Et l'on voit le gouvernement français exercer son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force au bienfait de la civilisation. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrant scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et une civilisation et de prononcer « homme ou civilisation inférieure ». France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Max, j'aime ce qu'il disait dans le cours de l'histoire, ce discours de Georges Clémenceau le 31 juillet 1885 pour répondre à Jules Ferry. Jules Ferry qui poussait l'idée de mission civilisatrice pour coloniser le Tonkin. Delphine Boissary, c'est toujours important d'entendre ces discours-là parce que dans ces années 1880, celle de la République, qui est encore jeune, mais un peu moins fragile qu'à ses débuts, il y a de vifs discours. La colonisation n'est pas une évidence. On l'entend bien ici dans le discours de Clémenceau. Alors c'était le cas même au moment de la conquête de l'Algérie, j'allais dire en 1830, où il y avait eu un débat entre les libéraux, je pense à Frédéric Bastiat, qui était député à ce moment-là. Frédéric Bastiat qui est un libéral et qui dit bah, la colonisation en Algérie, en fait, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le libre-échange soit la norme et que les frontières s'ouvrent. Quel besoin d'aller intégrer des territoires, ça va nous coûter cher. Donc ce débat existe, j'allais dire, dès le milieu, enfin même dès le début du 19e siècle. On le retrouve en fait, oui, à la fin du 19e siècle. Alors, il y a plusieurs groupes qui soutiennent quand même la colonisation. Il y a même la fondation d'un parti colonial qui va devenir, comme le disait Jean-François tout à l'heure, un élément fédérateur qui unit des partis assez disparates, assez divers autour de cette idée de la construction de la puissance française avec la construction de l'Empire colonial. Le parti colonial, il compte 200 députés quand même en 1902. C'est Eugène Étienne qui est aussi un des personnages importants de ce qu'on peut appeler un lobby colonial. Dedans, on trouve quoi ? On trouve des industriels qui voient dans le marché colonial un débouché pour leurs productions, qui ont plus de mal à se placer sur le marché européen, qui lui est déjà saturé. On pense à l'acier, le boom ferroviaire a déjà eu lieu. Et donc, ils cherchent un relais de croissance dans l'empire colonial. On y trouve aussi une partie de l'industrie textile française, hein, qui voulait pareil, hein, pense au débouché colonial. On y trouve un peu moins les agriculteurs ou par exemple les viticulteurs, les céréaliers, qui eux voient plutôt dans les productions agricoles coloniales une concurrence. Surtout avec l'assimilation douanière, les vins de Cahors sont en concurrence avec les vins d'Algérie. Et dans les années 30, on retrouvera ce débat, puisque le riz d'Indochine devient plus intéressant que le blé métropolitain. Donc on a des débats entre différents courants qui n'ont pas les mêmes intérêts économiques. Delphine Boissary vient d'évoquer l'Algérie. Jean-François Klein, on peut quand même souligner qu'à aucun moment il y a l'idée de faire de l'Indochine une colonie de peuplement, comme c'est le cas en Algérie. D'ailleurs, la forme même de l'Algérie, ce sont des départements français. Oui, enfin, sauf les territoires du Sud, qui sont des territoires militaires, le Sahara. Mais on a effectivement, en Indochine, on n'en fera pas une colonie de peuplement. Le but, de toute façon, c'est, vous savez, en Indochine, au plus haut de la période où il y a eu le plus de Français, c'est en 1940, on en compte 34 000 Français ou assimilés Français, ce qui inclut les métis reconnus par leur père, des Européens qui sont assimilés Français, sur une population de 22,7 millions d'habitants. Ouais, donc la part des Français, elle est infime. C'est rien d'ailleurs du tout, oui. Elle interroge prodigieusement pour savoir comment on a tenu l'Indochine aussi longtemps. Et comme le rappelaient judicieusement Daniel Emery et Pierre Brocheux dans leur livre L'Indochine, une colonisation ambiguë, il n'y a jamais de colonisation sans une participation effective des colonisateurs à leur propre système d'exploitation. Et on le voit très bien dans la levée de cadres administratifs vietnamiens, notamment en Cochinchine, y compris même dans les entreprises, ce que Delphine Boissary a merveilleusement démontré dans sa thèse, et pas seulement avec des Chinois d'ailleurs, mais on le voit surtout dans le cadre de l'armée, où les deux tiers des effectifs militaires de l'Indochine sont des tirailleurs annamites, c'est-à-dire de Cochinchine comme le nom l'indique pas, ou des tirailleurs tonkinois qui viennent de l'Annam et du Tonkin. Oui. Donc les forces militaires françaises, elles sont extrêmement faibles, et elles encadrent des troupes autochtones, qu'on appelle des troupes indigènes, et c'est grâce à elles qu'on maintient la pression sur la population. Oui, système complexe où le colonisé participe à la colonisation, qu'il le veuille ou non, là du point de vue militaire bien sûr, mais aussi du point de vue économique, parce que le progrès technique fait qu'il y a de nouveaux besoins, et en Indochine se trouve une ressource admirable qui rebondit. J'ai une petite gosse extra, elle est fendue d'aperca, élastique et vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand écart. Elle se met en bride, à bouffer la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou, elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. L'amour est caoutchouc. Avec elle, ce qu'on peut faire, oh c'est fou. Elle vous prend et toc et toc, on n'est plus qu'une loque. Oh c'est pas du toc, elle vous dit ce que l'amour me caoutchouc. C'est un lot, c'est un drôle de pibou. On la cherche en dessus et on la trouve en dessous. L'amour me caoutchouc. En 1932, Jean Gabin qui chante la môme caoutchouc et qui permet aussi d'évoquer ce regard porté au-delà du racisme et là un regard d'un racisme genré sur la tonkinoise, la petite tonkinoise qui est une autre chanson à la mode. Cette môme caoutchouc évoque, Jean-François Klein, cette ressource aussi qu'est le caoutchouc au moment où se développe l'industrie automobile. Absolument. Alors le caoutchouc, je vous rappelle, il est originaire du Brésil, dans la province de Manaus. C'est un véritable vol industriel, puisque les Britanniques sont allés piquer des plants d'EVA au Brésil, les ont ramenés, et dans les jardins d'essai, donc notamment de Singapour et notamment de Londres, ils ont développé donc ces plants et ils les ont exportés dans l'Empire. Et les Français vont faire la même chose, puisqu'on les voit se développer notamment à Sumatra en particulier, en Malaisie, les Français vont développer la plantation du caoutchouc dès 1899. Les premiers plants arrivent à ce moment-là. En 1908, on a 200 hectares. En 1909, on est déjà 120 000 hectares. Et là, vous avez effectivement des grandes entreprises qui vont se développer, mais aussi des petites entreprises. Des gens vont planter du caoutchouc, y compris des Vietnamiens d'ailleurs, qui vont aller déforester des bouts de forêt pour faire du caoutchouc, parce que ça rapporte. Et il y a une espèce de fièvre caoutchoutière, à tel point qu'on parle de l'or blanc indochinois, du fait de la couleur du latex qu'on récolte en saignant les arbres. Je vous renvoie bien évidemment au film Régis Vernier, d'Indochine de Régis Vernier, qui met en scène Madame de la Souchère et ses plantations de caoutchouc. Ça c'est plutôt bien fait et c'est tout à fait intéressant. Alors dans les grands groupes, il y a le groupe Rivo, bien évidemment, mais vous avez aussi la société française, la société financière française et coloniale, qui est fondée par un magnat de la banque, Octave Humbert, qui va développer au maximum les entreprises en Indochine. Pardon, et qui est prise dans la crise des années 30 et qui va être rachetée par la Banque de l'Indochine, dont et qui va confier à un monsieur qui s'appelle Edmond Giscard la direction de cette entreprise extrêmement prometteuse. On a écarté Humbert, peut-être parce qu'il était juif, finalement, elle est refondée sous le nom de Sofo, la Société Financière pour la France et les Pays d'Outre-mer. Et donc, la Sofo va devenir une des principales entreprises françaises, avec une holding impériale avec 143 sociétés, hein, dont plusieurs entreprises caoutchoutières, notamment la fameuse Compagnie des Terres Rouges, qui a été rachetée depuis la Sofo par un groupe breton qui s'est délocalisé à l'international et qui s'appelle Bolloré. Eh ben voilà, donc on serait dans OSS 117 en Indochine avec tous ces acronymes. Si je peux me permettre, il y a aussi Michelin dans les années 20 qui s'intéresse voilà à l'Indochine et qui arrive à sur les 100 000 hectares dont tu as parlé Jean-François à quand même s'octroyer 50 000 hectares à obtenir de la part du gouvernement de l'Indochine 50 000 hectares. Ben, c'est énorme. Hein. Ouais. Et le film a été évoqué, il est là dans le cours de l'histoire. Je n'avais jamais quitté l'Indochine. Nous vivions en paix et dans l'illusion. Vous, quoi vous rêviez? J'ai pas besoin de rêver. Tout ce que j'aime est ici, autour de moi. C'est peut-être ça la jeunesse. Croire que le monde est fait de choses inséparables. Les hommes et les femmes, les montagnes et les plaines, les humains et les dieux, l'Indochine et la France. Indochine, le film de Régis Varnier en 1992 avec Catherine Deneuve, Delphine Boissary dans votre étude sur la maison bordelaise. Denis Frère, trajectoire d'un réseau commercial social entre Bordeaux et l'Extrême-Orient. Est-ce que l'on est à l'image de ce que l'on peut voir dans ce film-là, c'est-à-dire des colons commerçants bien implantés avec une vie extrêmement luxueuse? Alors, Catherine Deneuve, comme le disait Jean-François Klein, elle est basée, enfin son personnage dans le film Indochine est basé sur celui de Madame de la Souchère, qui est en fait une trajectoire féminine un peu incroyable dans cette Indochine des années 20. Elle est arrivée à 23 ans pour rejoindre son mari. Elle est normande, elle y connaît rien. Et puis son mari meurt assez rapidement et donc elle se retrouve toute seule à la tête d'une exploitation d'EVA qui est quand même assez conséquente. Elle y crée un dispensaire, il y a des pagodes, il y a une église quand même, parce qu'il y a quelques chrétiens, important pour Madame de la Souchère. Elle a comme un petit monde autour d'elle. Enfin, c'est pas un royaume, enfin, c'est quand même une sorte de fief. Après, la vie des Européens, elle se fait surtout en ville. Les planteurs comme Madame de la Souchère ne sont pas si nombreux que ça. Et alors, il y a les Riziers, Rémy Gressier, qui est un peu sur le modèle de Madame de la Souchère dans ses plantations. Mais sinon, l'essentiel de la colonie, sur les 40 000 Français, enfin, Européens et assimilés dont on parlait tout à l'heure, il y a 14 500 fonctionnaires déjà, donc surtout donc des militaires et puis des administrateurs. Il y a les femmes arrivent assez tard hein, dans la colonie, elles arrivent justement en 1910. Avant ça, c'est plutôt masculin hein, comme population européenne. Donc des femmes, des institutrices comme la mère de Marguerite Duras, Marie Donadieu, qui est institutrice en Cochinchine. Donc, la vie de ces colons, elle est assez diversifiée. Il y a à la fois les grands patrons des maisons de commerce françaises qui, eux, sont effectivement bien installés, qui appartiennent, qui sont reliés à des milieux financiers, au réseau bancaire, les gens de la Banque de l'Indochine. Ça, c'est la partie de l'Indochine utile. Mais en dessous, il y a des fonctionnaires. Alors, ils vivent mieux qu'en France parce qu'eux, ils ont, à niveau de vie égal, ils ont quand même une domesticité. Donc un cuisinier, un BEP, un boy, quelqu'un qui s'occupe des enfants. Donc c'est quand même une vie de classe moyenne, mais plutôt confortable. Donc la vie en Indochine, elle est prisée pour ça. Mais à côté, le climat est difficile à supporter. Puis quand la France est loin, hein, il faut plus de 30 jours pour faire le voyage. Et donc ces Français qui sont employés des maisons de commerce ou dans l'administration, ils rentrent que tous les 3 à 5 ans. En France. Donc pour eux, on a développé des stations d'altitude ou des stations voilà, pour qu'ils refassent leur santé, parce qu'ils sont tout le temps malades. Il y en a à Dalat, il y en a aussi au Cambodge. Mais leur vie est à la fois facile est pas si simple. D'accord, mais c'est intéressant hein, le panorama que vous venez de nous donner de cette population de colons. Et dans l'autre partie de la population immensément majoritaire, Jean-François Klein, y a-t-il un désir de la part des Français d'assimiler ? On pense souvent à l'école. Alors est-ce qu'on fait apprendre à ses petits-enfants le programme scolaire qui est le même en métropole ? Absolument pas ou très peu, même si c'est ce qu'on proclame. Il y a bien une école franco-annamite, mais qui est réservée à une très très très très petite minorité de personnes qui y ont accès. De mémoire, je crois que c'est même pas 0,5% des enfants d'Indochine, et notamment du Vietnam principalement, qui ont accès à cette éducation. Au Vietnam, donc en Cochinchine, en Annam Tonkin, on mettra en place ce programme-là, l'éducation dite franco-annamite, mais qui est hyper sélective, un peu comme en France métropolitaine à cette époque-là, mais qui dégage encore moins d'élite, si je puis dire, c'est-à-dire de personnes entre guillemets assimilées. En Afrique, à ce même moment, d'y évoluer. Au Laos et au Cambodge, on va réformer les écoles de pagode, puisqu'en fait, on envoie très peu les enfants dans des écoles sans dieu, donc on préfère les envoyer chez les moines bouddhistes, comme ça se faisait traditionnellement. Donc, à défaut de pouvoir installer des écoles du gouvernement, on va créer des écoles de pagode. Mais c'est surtout l'œuvre missionnaire, là, qui va faire quelque chose d'absolument énorme. La vraie fabrique des élites indochinoises, hommes et femmes, d'ailleurs, ce sont les missionnaires catholiques, congrégations masculines, je pense notamment aux frères des écoles chrétiennes, aux sœurs de Saint-Paul de Chartres pour les femmes, à la congrégation des sœurs de Pourtieu au Cambodge et en Cochinchine. J'ai une de mes étudiantes qui travaille là-dessus actuellement. Et donc la vraie fabrique des élites, elle se fait là. Et même l'impératrice, la dernière impératrice d'Annam, la femme de Bao Dai, qui était catholique et qui avait fait ses études au couvent des oiseaux à côté de Paris, va vouloir créer un couvent des oiseaux à Dalat, dans la nouvelle cité d'altitude créée par les Français à ce moment-là, et qui sera vraiment la fabrique, la synthèse où les jeunes filles de très bonnes familles d'Indochine, françaises, métisses ou issues des grandes familles autochtones, iront faire leurs études. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui... Mais c'est une minorité. Imaginez simplement que jusqu'en 1935, il n'y a que deux lycées pour toute l'Indochine. Un à Hanoï, l'autre à Saigon. Il faut attendre 1935 seulement pour qu'il y ait le lycée Sisowat ouvre au Cambodge. 1946 pour qu'on ait un lycée qui ouvre à Vientiane, au Laos. Et pour l'université aussi, c'est très tard. Et l'université, c'est 1907. Ouais. Avec, ici, Delphine Boissary, quelque chose de complexe, on l'entend bien, dans le processus de colonisation et dans le statut de ces différentes entités territoriales, Cambodge, Laos, l'Union indochinoise qui couvre l'ensemble, des intérêts divers, une petite population française. C'est une colonisation, mais que l'on sent fragile, au sens où tout est fait d'accord, de compromis, de tâtonnement. Oui, alors ça se voit dans les relations de travail, si vous me permettez d'évoquer ça. Dans les maisons de commerce françaises, l'essentiel du salariat est en fait local. Moi, ça m'avait intéressé, c'est effectivement ces compromis, ces négociations quotidiennes dans le cadre du travail. Dans la maison de commerce, donc vous avez le patron qui est français, les principaux directeurs sont français aussi, ils sont là quelquefois depuis 3 ans, 4 ans, ils imaginent leur vie sur place comme transitoire, comme une sorte de parenthèse qui leur permettra peut-être de s'installer plus tard en France dans quelque chose de confortable. Et puis en dessous, effectivement, c'est très difficile de recruter les bonnes personnes. Alors on doit compter sur les compradors chinois, sans lesquels on n'a pas accès aux ressources locales. Ces compradors chinois, il faut qu'ils soient de confiance, donc il faut installer cette relation de confiance. Elle n'est pas toujours simple d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui disparaissent en détournant une partie des avances qui ont été faites pour acheter les récoltes de riz, enfin bref. Il y a aussi donc les employés vietnamiens qui en plus au départ sont formés sur le tas, parce qu'il n'y a pas vraiment, vous voyez, de lycée, d'école. Alors on prend des gens qui parlent français. Et puis dans les années 30, on commence à aussi employer des Vietnamiens qui sont passés par la France, qui ont pu faire par exemple des écoles de commerce en France pour avoir atteint des compétences. Il y a un vrai problème de recrutement pour les Français sur place pour ces métiers-là. Et puis ensuite, pour la surveillance des bureaux, on choisit plutôt des Indiens, des Pondichériens, parce que eux, comme ils sont ni chinois ni vietnamiens, peut-être pas. Enfin voilà, ils sont entre les deux. Et donc pour toutes les missions de gardiennage, on fait davantage confiance à ces pondichériens. Bref, une stratification sociale fragile, mais qui tient sur du quotidien, sur les intérêts des uns et des autres. Et ce que vous nous dites là fait comprendre aussi la fascination que peut exercer pour les contemporains ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Indochine, où tout est autre chose en fait. Quand un colon revient et qu'il raconte, ça doit être vraiment particulier. Merci vivement à vous Delphine Boissary, à vous aussi Jean-François Klein, de nous avoir présenté cette Indochine coloniale. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi la communarde Eulalie Papavoine fut-elle condamnée à mort comme pétroleuse? L'histoire des luttes populaires montre que l'une des réactions les plus fréquentes des classes dominantes, quand elles se sentent menacées par des accès de violence collective, consiste à inventer des mots pour discréditer les leaders de ces révoltes. Ce fut le cas lors des soulèvements paysans sous l'Ancien Régime, dénoncés comme des jacqueries, à une époque où les paysans étaient appelés péjorativement les jacques. Ce fut le cas aussi pour les ouvriers des faubourgs parisiens, dénoncés au XIXe siècle comme une ville populace. Sans parler des jeunes prolétaires, présentés tour à tour comme des apaches, des sauvageons, des blousons noirs ou des racailles. Les femmes du peuple eurent droit, elles aussi, à ce genre d'avanie, comme le montre l'exemple des communardes qui furent surnommées les pétroleuses. Sans doute pour justifier l'ampleur du carnage, c'est au lendemain de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871 que ce terme apparut pour la première fois dans la grande presse. Des femmes furent alors accusées d'avoir incendié les monuments de la capitale comme le palais des Tuileries ou l'hôtel de ville. Prosper Olivier Lissagaray, le journaliste qui écrivit en exil la première histoire de la Commune de Paris, dénonça immédiatement ce mythe insultant. Alors fut inventée cette légende des pétroleuses qui, propagée par la presse, coûta la vie à des centaines de malheureuses. Le bruit court que des furies jettent du pétrole enflammé dans les caves. Toute femme mal vêtue ou qui porte une boîte à lait, une fiole, une bouteille vide, peut être dite pétroleuse. Traînée en lambeaux contre le mur le plus proche, on l'y tue à coups de revolver. Cette protestation ne faisait que confirmer ce que nous apprennent les archives. Parmi le millier de communardes qui furent jugées par les tribunaux militaires, aucune ne fut condamnée pour incendie. C'est le tribunal médiatique de l'époque qui en fit des coupables. Parmi ces victimes, je voudrais évoquer la mémoire d'Eulalie Papavoine. Née le 11 novembre 1846 à Auxerre, cette couturière parisienne, mère d'un jeune enfant, participa à la Commune de Paris comme ambulancière. Accusée d'avoir incendié le palais de la Légion d'honneur, elle fut condamnée à mort. Sa peine fut commuée en déportation en Guyane et elle mourut à l'asile de Chalon-sur-Marne le 24 mai 1875. Sans antécédent judiciaire, elle nia avoir participé aux incendies de quartier, en admettant seulement qu'elle avait organisé une ambulance dans une maison de la rue de Solferino pour sauver des blessés. Victor Hugo prit la défense de Lali Papavoine et de deux de ses camarades. « Je demande la vie pour ces trois malheureuses femmes, tout en reconnaissant que, dans ma faible intelligence, il est prouvé qu'elles ont porté des écharpes rouges, que Papavoine est un nom effroyable et qu'on les a vues dans les barricades pour combattre, selon leurs accusateurs, pour ramasser les blessés, selon elles. Une chose m'est prouvée encore, c'est que l'une d'elles est mère et que, devant son arrêt de mort, elle a dit « C'est bien, mais qui est-ce qui nourrira mon enfant ?» Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Max Gems, avec aujourd'hui à la technique Félix Levaché, et merci à Alexandre Bucois de France Bleu Loire-Océan. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Antoine Dudet, Jeanne Copet et Maïwan Guizou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives, des archives que vous pourrez retrouver dans le cours de l'histoire sur le site internet franceculture.fr et évidemment sur l'appli Radio France.